Leçon 3, page 18, activités 2 et 3, piste 12. Salut Emma. Tu as quel âge? J'ai 8 ans. Et toi? J'ai 9 ans. Et toi, Félix? J'ai 8 ans. Moi, j'ai 8 ans aussi.